mon shit, j'ai trop de doigts sur le dos. Je viens de mettre un pied dehors, je me revois dedans. T'auras ton flic quand t'auras du flow, bah. J'ai mon équipe, j'ai qui sont les faux, bah. J'ai gardé des séquelles, passera quand je dors. J'ai gardé des séquelles, passera quand je sors. Tant que la mif est allée, je m'en fais pas pour mon sort. La poche, je la remonte sur une jambe avec des ressorts. On était plusieurs à la base, on se niquera jamais pour le pèse. Ça c'est la base, le temps passe aussi vite qu'un 16. Car aimé il nous manque une case, ça c'est la boost. Tu seras choqué de voir comme ça bosse, y'a personne qui bouge quand ça passe. Demande à Nas la frappe comme papos, tu veux manger quoi y'a que des rapaces. Si tu fais pas de poste, marqué arrivant c'est pas de bol. Pour le baveux c'est 4 balles, je vois ça comme un symbole. Le PC absent, je suis pas là, de toute façon c'est l'atoll ou le pactole. Par pas mal de monde, je suis contacté, je fais monter l'enchère, c'est la tactique. Par quelques problèmes, je suis retardé, me colle pas, j'aime pas les pillages trop tactiles. Un encro ou un sky, sinon pas tel. Le nord est trop actif. On voit que ça va Stano, on voit que Barcel. Tout ça c'est du factice. J'ai la théorie et la pratique. Non, je suis pas sorti de la merde, mais bon pratiquement. Devant le bâtiment, le four sert à rien sans les aliments. J'me calme mon shit, j'ai trop de poids sur le dos. Je viens de mettre un pied dehors, je me revois dedans. T'auras ton flic quand on fera du flow, bah. J'ai mon équipe, j'ai qui sont les faux, bah. J'ai gardé des séquelles, passe rien quand je dors. J'ai gardé des séquelles, passe rien quand je sors. Tant que la mif est allée, je m'en fais pas pour mon sort. La poche, je la remonte sur une jambe avec des ressorts. Le shit et l'arbre me rendent paresseux. Coke, viens nous voir par ici. Ma lien c'est douce, elle me caresse. Trop de vécu, tu le ressens dans le récit. Tu sais pas combien j'ai encaissé, TC. Dans mon dos de m'a baissé. On leur met la fessée, R.O.C.C. CC. Les clients sont pressés. J'ai grandi dans l'ombre, j'ai pas peur du noir. Dans la zone ça glisse, c'est une patinoire. Ouais c'est comme ça chez moi. Les yeux plissés, mais je parle pas chinois. Un peu pont tout neuf. Les cartouches mais cachées dans le garage. La pure c'est pas rush. Si tu prends bien t'inquiète on s'arrange. Tu es au jaloux de ravaler sa rage. Bras longs même arrive en sa riche. Si je me croise la chatte dans les parages. Là-bas il vaut jamais loin de sa ruche. J'achète pas mes vues, pas de triche. Je sais pas comment ça se fait que j'en fasse autant. Moi j'en crains aucun. Dès qu'ils te voient au-dessus d'eux ils sont pas contents. Je me calme au shit, j'ai trop de poids sur le dos. Je viens de mettre un pied dehors, je me revois dedans. T'auras ton flic quand